Ça fait 10 ans que je rappe, j'ai pas sorti de CD, je m'en bats les couilles. C'est à force de pas se laisser faire qu'un jour on craint pas les couilles. T'es peut-être costaud, mais ça le fait pas quand tu dis que tu crains pas les douilles. Faut pas que tu doutes, faut pas que tu goûtes. Empêché sur la route sous pack de 12, c'est pour mes cousses qui disent que Joule, ça s'écoute, ça s'écoule. Manda à Jean en tol, comment le temps s'écoule. Ah, n'écoute pas les gens qui disent elle nique pas. Le soir elle sort pas, je la connais trop, c'est ma sista. Sous jet, faut que t'en pistes, mortel sur la piste. Toujours les mêmes habitudes pour l'approcher, faut une tactique. C'est classique, comme elle raffole de la kick. Tu veux ton stick pendant qu'elle t'astique avec ma zik. Mais tu veux quoi? Non, crois pas qu'elles ont doute pour toi. Tu veux savoir, j'écoute quoi? Bilka, Vizy, Freeze, Nino, le GP quoi? C'est quoi? C'est un 3-5 dans le MP3. Marche droit, je sais que c'est tellement dur, mais bon, faut y croire. Et le soir, c'est plan gadi ou écriture AH. Ça fait des RDV sur le bon coin. Ça fait du cash et ça s'arrache. Mais sache que même si tu me défends, je t'aime pas. Moi quand je suis en chien, je rentre chez moi, je fais rien, je traîne pas. Apprends que nous on t'écoute pas. Que même si tu frappes fort au sac. Quand t'as ce qu'il faut, plus besoin de mettre des claques. Tu braques, c'est pas possible, tu blagues. Toi qui disais que c'était une folle, t'as fini par lui mettre la bague. Mes potes se niquent pour un bullshit. Oh shit, mon Gucci, t'es amoureuse, tu veux me donner ton boule, mais t'es toute petite. Ici, ça te travaille au corps, demande à Houssine. On veut tous les limousines, si tu veux pas sucer, c'est un souci, insouciant. Je sais comment ça peut se finir, une bagarre. Écrasement de tête, mauvais geste, c'est la cuenta, tu peux finir au placard. Mande à la gare, pour jobber, faut pas se coucher tard en 24 heures. Tu sais même plus combien t'as fumé de pétard. Ouais, c'est du lourd, demande à Mousse, c'est comme une grosse droite dans ta bouche. La AAA, la Laguna, elle traîne trop dans la zone, c'est pour matelas. Au sol, on craint les têtes qui sont passées sur le matelas. Même quand tu vas pisser là-bas, le surveillant te matelas. Si on s'aime pas, faut pas qu'on se cause ou qu'on se croise. Faut qu'on se froisse, le regard froid, tu penses à moi, rien que t'angoisse. Et j'ai pas les love pour sortir ma chérie. Plus le temps faut que j'innove. Juste sur la lune faut que j'atterrisse. A tes périls et tes risques, je mise Burberry, tu fais un délire. Avec toi personne délire, ça tu mets des séries. Contre tous les quartiers, c'est la guérilla. En cas d'embrouille, on sait qu'il y a. On arrive des terres sous des kilas. Tu fais que penser, tu restes assis. C'est que ta vie c'est du gâchis. Tu quittes l'école, charbon, vol, folle. Toll rime avec pas toll, mais c'est comme si tu le savais pas. L'argent, j'en avais pas, alors t'as fini dans un sale état. Ta mère te vire chez toi, tu finis à hôtel étape. Mec, ne tape pas, ne craque pas. Quand tu petit, non, ne sorte jamais les étapes. Quand tu es à la pointe, y'a des schmitts qui m'ont tapé. Un jour je rappais avec Vizy, ces fils de pute qui m'ont tapé. Vous, vous vous cachez mais on vous voit. Les vieux de la vieille, on les vous voit. Monsieur l'agent, tu veux me toucher les couilles mais t'es fou d'or. C'est pour Fafa Official, y'a ceux qui gèrent, y'a ceux qui jacquent. Y'a ceux qui se tuent au shit, ceux qui arrêtent et qui se mettent à la chicha. Et au bar, ça chuchote, ça parle de plan, ça mijote. Ça fait des chats, t'as pris trois verres, la mise même plus si elle chipote. La vie c'est un gros parcours, mais pour moi un peu trop acide. J'entends mon téléphone plein folle, j'arrive entassé dans la caisse assise. Nous c'est Twingo, non c'est pas assise. Au quartier y'a des balances, des racistes. Et au jol, il me lève mes lacets. J'ai rien, même pas d'avocat qui m'assiste. J'arrive pas, mais faut que t'essaies. Moi j'avance le cœur blessé, y'a plus rien d'attachant à part faire mes sons sur mon PC.